Allô, je vois depuis ma fenêtre les pas sans perce des Thermopyles. Pressé, il marche mon immobilité. Cette parenthèse de mort les trouve. J'ai marché sur le sable Minos. Les ondes d'un lac déforment mon reflet. Là, face à la mort, seul mon amour me soutenait. J'ai fait de tes étreintes mon horizon, ma lance, mon refuge d'y faire et toi. Je vais